إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc, le sujet de la conférence maintenant, c'est la deuxième conférence de la journée. On va parler du danger des innovations dans la religion. Le danger des innovations dans la religion. Et c'est un sujet très important. En arabe, on désigne les innovations par le mot bid'a, c'est-à-dire tout ce qui est innové. Et c'est un sujet très important et très dangereux. Pourquoi ? Parce que c'est par les innovations dans la religion que toutes sortes d'hérésies et de sectes sont apparues dans l'islam. Et donc c'est très important de comprendre ce sujet et de savoir ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ainsi que son prophète sallallahu alayhi wa sallam, de même que les sahaba et les savants de l'islam ont dit à ce sujet-là, pour avoir une bonne compréhension de l'islam. Puisqu'on a expliqué déjà dans les cours précédents, on a parlé de la sunna et de son importance, et on a parlé du tawhid et du shirk, on a expliqué toutes ces choses-là qui sont des bases dans la religion. Et on a commencé par la sunna parce que la sunna c'est la vérité, c'est al-haq. Et maintenant, comme on dit en arabe, yani al-ashya bi-abdadiha tu'arafu. Yani on connaît une chose par leur contraire. On apprend à connaître quelque chose par son contraire. Et yani il y a parmi les sahaba comme Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu, il disait كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه أو مخافة أن يدركني. C'est-à-dire que les gens avaient l'habitude de demander au sujet du bien. Lorsqu'ils allaient voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander des choses, ils lui demandaient au sujet du bien. « Ô messager d'Allah, si je fais telle chose, quelle récompense je vais avoir ?»« Ô messager d'Allah, si je fais telle ou telle chose, qu'est-ce qui va arriver de bien ?» Toutefois, Hudhayfa, lui, il était différent des autres parmi les sahaba. Il demandait toujours à propos du mal. « Ô messager d'Allah, si je fais tel péché, qu'est-ce qui va arriver de mal ?» Ô messager d'Allah, est-ce que dans l'avenir il va y avoir des troubles? Est-ce qu'il va y avoir de la division? Est-ce qu'il va y avoir des problèmes? Est-ce qu'il va y avoir des gens qui vont s'égarer? Est-ce qu'il va y avoir ci ou ça? Hein? Et donc ça c'était son exemple. Et il a expliqué que la raison pour laquelle il demandait au sujet de ces choses-là, c'est parce qu'il avait peur qu'il tombe dans ces choses qui sont mauvaises. Hein? Donc ça fait partie des exemples du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça prouve que il n'y a rien de mal dans le fait de chercher à connaître le mal, du moment qu'on cherche à le connaître dans le but de s'en écarter et de s'en protéger. Et on remarque que de toute façon, si on n'a pas une bonne connaissance et compréhension de qu'est-ce qui est l'égarement et de qu'est-ce qui est mauvais, eh bien c'est très facile pour quelqu'un de tomber dans l'erreur. Hein? Donc, c'est un petit peu comme le principe du vaccin. Hein? On donne à quelqu'un une partie de microbe ou une maladie, puis il développe une défense contre ce mal. Eh bien, le fait de connaître quelque chose à propos de l'égarement, à propos des déviations, à propos des sectes, eh bien, ça devient comme une sorte de défense par la suite, et on devient immunisé par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala contre ces différentes formes d'égarement. Donc ça, c'est pour vous faire comprendre un petit peu le thème et l'introduction. Je me suis basé pour faire cette conférence sur un livre qui est écrit par un des shuyukh de l'université de islamique de Al-Madina, Al-Munawwara, l'université islamique où j'ai étudié, et c'est écrit par le cheikh Ali Nasser Al-Faqihi. Et le titre du livre, c'est Al-Bid'a, Dawabituha wa Atharuha As-Sayyi fil Umma. C'est-à-dire, la Bid'a, ses principes et ses effets néfastes sur la Umma. Donc, le chef, il commence par dire que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de nous unir et nous a interdit de nous diviser et de diverger entre nous. Donc, pour commencer, il faut comprendre que la divergence dans l'islam, elle est de deux sortes. Et les ulama, ils le divisent en deux sortes. Ils disent, il y a irtilaf al-tanawwu' ou irtilaf al-tadad. La divergence, qui est une divergence de diversité, dans le sens qu'il y a parfois divergence entre les ulama, parce qu'ils font des différences d'opinion en se basant sur différentes analogies qu'ils ont quand ils font des ijtihad. Et ça, c'est dans les règles de la pratique religieuse et du fiqh. Donc ça, c'est des divergences qui sont acceptées et qui sont permises du moment que la personne qui le fait, c'est un savant et qu'il se base sur les preuves de la charia et qu'il ne suit pas sa passion, qu'il ne diverge pas parce qu'il suit sa passion, mais qu'il diverge parce qu'il cherche la vérité et c'est la façon dont il a compris les textes. Donc ça, c'est des questions qu'on appelle des questions de divergence qui sont des ijtihad. Toutefois, il y a d'autres formes de divergence, irtilaf al-tadad. Ça, c'est une divergence qui implique une contradiction dans la religion. Et cette catégorie de divergence-là, elle est interdite. Elle est interdite. C'est comme, par exemple, si des gens veulent diverger dans les questions qui ont rapport avec la croyance, des bases, des fondements de la croyance islamique. Ça, c'est des divergences interdites. Parce que ces divergences-là vont amener des divisions entre les musulmans et va faire en sorte que par la suite des sectes vont apparaître et par exemple aussi de diverger dans des choses qui sont établies sur lesquelles il y a un consensus et que tous les savants sont d'accord. Alors si les savants ont toujours été d'accord sur ça, quelqu'un ne peut pas venir par la suite puis ramener d'autres divergences ou des nouvelles divergences sur ces questions là et ça c'est parfois qu'est-ce qu'on retrouve à notre époque. Il y a des gens qui te disent des choses à propos de l'islam, puis pour eux tout est divergence. Il y a des divergences là-dessus et en réalité c'est pas vrai, des fois c'est pas vrai, c'est des fausses divergences, c'est des divergences inventées. Donc c'est pour ça que c'est très important de retourner aux références et aux sources. Les preuves que la divergence est interdite et que la division est interdite, il y a beaucoup de versets dans le Coran à ce sujet-là. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat Al-Imran verset 103: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. الله سبحانه وتعالى il dit: et accrochez-vous tous au câble d'Allah. Le câble d'Allah, c'est quoi? Les ulama de tafsir ont expliqué de différentes façons, mais qui ont toutes le même sens au fond, c'est ils ont dit que le câble d'Allah c'est le Coran et que c'est la Sunna et que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam et que c'est le droit chemin. Donc de s'accrocher au câble d'Allah, c'est de s'accrocher au Coran et à la Sunna et à la vérité. Donc accrochez-vous tous au câble d'Allah et ne vous divisez pas. Et donc ça, c'est la preuve de l'interdiction de la division. Et souvenez-vous de la grâce que Allah subhanahu wa ta'ala a mis sur vous lorsque vous étiez des ennemis et qu'il a unifié vos cœurs et que vous êtes devenus des frères par sa grâce. et que vous étiez au bord d'un gouffre de feu et il vous en a sauvé. C'est ainsi que Allah subhanahu wa ta'ala clarifie pour vous ces signes pour que vous puissiez être guidés. Et pour faire en sorte que cette unité soit préservée et que il n'y ait pas de division et qu'on reste toujours accroché au câble d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné il a ordonné à ses serviteurs de le suivre dans sa révélation et de suivre ce qui a été révélé à son messager. Alif Lam Mim Sad, Kitabun Unzila Ilayka Fala Yakun Fi Sadrika Harajun Minhu Litunzira Bihi Wa Dhikra Lil Mu'minin. Ittabi'u Ma Unzila Ilaykum Min Rabbikum Wa La Tattabi'u Min Dunihi Awliya Qalilan Ma Tadhakkarun. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah Al-A'raf, Alif Lam Mim Sad, c'est un livre qui a été révélé sur toi, alors qu'il n'y a aucune gêne dans ton cœur ou dans ta poitrine à son sujet. Et pour que tu puisses avertir par celui-ci et pour qu'il soit un rappel pour les croyants. Suis ce qui a été révélé sur toi de la part de ton Seigneur et ne suis aucune autre chose en dehors de lui. Et comme vous vous souvenez peu. De même que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit aussi de suivre les exemples de nos ancêtres. Comme par exemple, l'exemple de suivre les chouyours. Et de suivre les gens de bid'a, et de suivre les passions, et de suivre toute autre chose qui est contradictoire avec ce qui est mentionné dans le Coran et dans la Sunna, sous prétexte que c'est nos ancêtres qui l'ont fait. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, dans Surah Al-Baqarah, le verset 170, وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نَتَّبِعُوا مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et lorsqu'on leur dit, suivez ce qui a été révélé, ils disent quoi? Ils disent, nous allons suivre ce que nous avons trouvé nos pères, comme étant, qu'est-ce que nos pères étaient en train de faire. On va rester sur ce que nos ancêtres faisaient. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit, de leur poser la question et de leur demander par la suite, est-ce que même si vos parents ou vos ancêtres, ils se basaient sur aucune raison, ils ne faisaient pas ce qu'ils faisaient en se basant ni sur la raison, et qu'ils n'étaient pas bien guidés dans ce qu'ils faisaient, vous allez les suivre quand même? Donc ça c'est la réponse à donner à toute personne qui appelle à suivre quelque chose qui est en contradiction avec le Coran et la Sunna. Parce qu'il y a parmi les musulmans, il y en a qui ont toutes sortes de pratiques. Parfois, quand tu leur demandes la preuve de ces pratiques-là, ils ne peuvent te donner aucune référence, ni dans le Coran, ni dans la Sunna authentique. Et donc, ils répondent en disant, nos ancêtres, c'est ce qu'ils faisaient. Ou dans notre pays, c'est comme ça qu'on faisait. Ou chez nous, c'est comme ça. Ou nos ancêtres ont toujours fait ça. Donc, ça c'est la même exemple que ce que les idolâtres, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, répondaient lorsqu'on leur disait de suivre ce qui a été révélé par Allah subhanahu wa ta'ala sur son prophète. Et la même chose, il y a plein d'autres versets dans ce sens-là dans le Coran. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُوا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ. Quand on leur dit suivez ce qui a été révélé, ils disent on va suivre nos ancêtres. On va suivre ce sur quoi on a trouvé nos ancêtres. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il leur répond en disant, même si le diable était en train de les appeler vers l'enfer, vous allez les suivre quand même. Et également, donc on trouve aussi dans le Coran l'ordre donc de suivre ce qui a été révélé dans le livre et l'interdiction de suivre ce que nos ancêtres ont pratiqué comme croyance ou comme religion qui sont contraires à la révélation. Et également les gens qui appellent à la passion et de suivre le shaitan. Donc dans ce verset-là, c'est le verset qu'on a lu en dernier, c'est très clair. Et il y a également des hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous ordonnent de nous accrocher au Coran et à la Sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je vous ai laissé deux choses. Taraktu fikum shay'ain in tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Kitabullah wa sunnati. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je vous ai laissé deux choses, tant que vous allez rester accroché à ces deux choses-là, vous n'allez jamais vous égarer. Et il a dit, c'est le livre d'Allah et c'est ma sunna. Et Allah subhanahu wa ta'ala a garanti à celui qui s'accroche à son livre et qui suit l'exemple de la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il aurait le salut et qu'il ne s'égarerait pas. Ni dans la dunya, ni dans l'au-delà. Par opposition à ça, Allah subhanahu wa ta'ala a interdit qu'il y ait des innovations dans la religion. Et il nous a mis en garde contre le fait d'inventer des choses dans la religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a averti sa umma que toutes les innovations qui sont faites dans la religion sont des égarements. Et il mentionne le hadith de Al-Irbad ibn Sariya, qui est rapporté selon Abu Daoud et At-Tirmidhi, avec une chaîne de transmission authentique, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ou bien le sahabi qui rapporte le hadith, il dit que le messager d'Allah nous a donné une exhortation très touchante, hein, et très éloquente, qui a fait trembler nos cœurs, qui a fait frémir nos cœurs, et qui a fait couler des larmes de nos yeux. Alors, les sahabes ont demandé au messager d'Allah, est-ce que c'est une exhortation d'adieu que tu nous fais ? Est-ce que c'est parce que tu vas nous quitter, hein, tu vas mourir, alors tu nous fais cette exhortation-là, hein? Les sahabas étaient vraiment touchés et émus par cette exhortation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Donc, les sahabas ont dit, ô messager d'Allah, c'est comme si l'exhortation que tu nous fais, c'est une exhortation de quelqu'un qui nous fait ses adieux. Alors, donne-nous un conseil. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, je vous enjoins de craindre Allah et d'écouter et d'obéir à votre dirigeant, même si celui qui est dirigeant sur vous, c'est un esclave. C'est-à-dire, même si votre dirigeant est esclave, il ne fait pas partie des nobles, il ne fait pas partie de la noblesse, hein, ou peu importe son apparence, du moment que c'est votre dirigeant, vous devez l'écouter et l'obéir dans le bien. Et ensuite, il dit, sachez que celui qui va vivre après vous, il va avoir beaucoup de divergences. Hein? Il a dit, Usaykum bi taqwallah wa sam'i wa ta'a wa in ta'ammara alaykum 'abdun wa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kathira fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa' ar-rashidin al-mahdiyin min ba'di. Addu tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdathat al-umur fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je vous incite donc à craindre Allah et à écouter et à obéir aux dirigeants, même si c'est un esclave qui est au pouvoir sur vous. Et sachez que celui qui vivra après moi va avoir beaucoup de divergences. C'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous met en garde et il nous avertit déjà que vous allez en voir de la divergence parmi les musulmans. Mais il nous donne tout de suite le remède à ce problème. Et il nous dit, alors accrochez-vous à ma sunna, à mon exemple, à ma pratique, à ma croyance, à mes paroles, à mes actions. Et également à la sunna de mes successeurs bien guidés après moi. Donc les successeurs, c'est-à-dire les sahaba qui vont succéder le prophète sallallahu alayhi wa sallam par la suite. Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, radiyallahu anhum, ajma'in. Donc, il dit, accrochez-vous à ma sunna et à leur sunna aussi, à leur exemple aussi. Et il dit un exemple pour montrer à quel point on doit s'y accrocher. Il dit, et mordez dedans avec vos molaires, c'est-à-dire vos dents d'en arrière, parce que les dents d'en arrière, c'est les dents les plus solides. Hein? Donc, t'imagines par exemple l'image que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de nous montrer, c'est quelqu'un qui s'accroche à un câble alors qu'il est en train de se noyer, hein, et qu'il est dans l'eau, hein, et puis qui prend le câble par ses mains et qui le mord avec ses molaires pour être sûr que il va rester accroché. Eh bien, c'est cet exemple-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne. Bien entendu, c'est pour nous faire comprendre à quel point on doit rester fermement accroché à cette sunna. Hein? Et ensuite, il dit, accrochez-vous avec vos molaires. Accrochez-vous à celle-ci avec vos molaires et prenez garde aux choses qui sont inventées. Prenez garde aux choses qui sont inventées dans la religion. Parce que toute chose inventée, c'est une bid'a, c'est une innovation. Et toute bid'a est un égarement. Et tout égarement mène à l'enfer. Donc ça, c'est une mise en garde de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous interdit d'inventer des pratiques religieuses, d'inventer des nouvelles croyances religieuses qui ne sont pas dans les textes du Coran, qui ne sont pas dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont authentiques. Hein? Et également d'inventer des choses qui ne font pas partie de la pratique des successeurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi les sahaba. Donc, ce hadith-là, il explique donc cet aspect de façon très claire. Hein? Et également, il nous montre comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait beaucoup d'efforts pour faire en sorte que la Ummah soit exemptée des causes et des sources de la division dans la Ummah et des causes et des origines de la fitna, comme on dit, des tribulations et des problèmes et des troubles et des épreuves. Donc il nous incite à rester accrochés aux dirigeants et à la jama'a, groupe des musulmans, de rester avec eux et de s'accrocher à la sunna et de s'écarter de toutes les innovations, que ce soit dans la croyance, dans les pratiques et dans les paroles et dans la méthodologie, puisque ce sont ces innovations là qui amènent de la division. Et comme on a lu dans le verset qu'on a lu en premier, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, et accrochez-vous ou cramponnez-vous tous au câble d'Allah et ne vous divisez pas, c'est comme si ces deux choses là sont reliées, le fait de se cramponner au câble, c'est-à-dire au Coran et à la Sunna, et ne pas se diviser, c'est relié, interrelié ensemble. C'est-à-dire que plus tu restes accroché au câble d'Allah, moins il y aura de division, et moins tu t'accroches au câble d'Allah, plus il y aura de la division parmi vous. Hein? Et c'est deux choses qui sont reliées ensemble. Et donc, c'est pour cette raison-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous avertit contre les innovations, parce que c'est une des plus grandes causes de la divergence qui existe entre les musulmans et des divisions et de la création des groupes et des sectes qui nous égarent. Parce que le messager, lorsqu'il a quitté ce monde, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a quitté ce monde, il a transmis à la Ummah, à la nation de l'islam, ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé, en entier, au complet. Tous les aspects de la religion ont été clarifiés par ce messager, sans exception, il n'y a rien qu'il a laissé. Et donc, il a tout clarifié pour la Ummah, qu'est-ce que la Ummah avait besoin de connaître dans les affaires de la religion et dans les affaires de la dunya. Et il nous a laissé, comme il dit dans un hadith, hein, وَتَرَكَهَا عَلَى الْمَحَجَّةِ الْبَيْضَى لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لَا يَزِيغُ عَنْهَا إِلَّا هَالِكَ. C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْمَحَجَّةِ الْبَيْضَى ou عَلَى الْبَيْضَى. Je vous ai laissé sur une voie qui est éclatante, qui est claire. Elle est tellement claire, cette voie que sur laquelle je vous ai laissé, que de jour comme de nuit, c'est la même chose, elle est éclairée, elle est illuminée, cette voie. Et nul ne s'en écarte, excepté qu'il périt. Donc, tout a été clarifié et tout a été expliqué, et la religion a été complétée et parachevée. Et Allah subhanahu wa ta'ala a agréé de cette religion-là pour la Ummah. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 3 dans Surat Al-Ma'ida, « Al-yawmu akmaltu lakum dinakum » اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le premier verset, aujourd'hui, c'est le verset 3 dans Surat Al-Ma'ida, aujourd'hui, j'ai complété pour vous votre religion et j'ai parachevé sur vous mon bienfait. Ou ma grâce. J'ai parachevé sur vous ma grâce. Et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. Donc la religion, elle est complète. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a quitté ce monde, la religion était déjà complète. Il n'y avait rien à rajouter dedans. Et il dit dans Surat Al-Imran, verset 85, Et quiconque recherche autre que l'islam comme religion, eh bien, elle ne sera pas acceptée de sa part. Celui qui cherche une religion autre que l'islam, eh bien, cette religion-là ne sera pas acceptée de sa part. Et il sera du nombre des perdants dans l'au-delà. Il sera du nombre des perdants dans l'au-delà. Donc, peu importe quelle autre religion quelqu'un ramène, christianisme ou judaïsme ou autre, et puis, il arrive au jour de la résurrection, il sera du nombre des perdants. Et Allah ne va pas accepter cette religion-là de sa part. Et ça, c'est clair dans ce verset. Donc, la religion, elle a été clarifiée et complétée et parachevée par ce texte clair et explicite du Coran. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a transmis cette religion de la transmission la plus claire possible. Et le cheikh rapporte un hadith rapporté selon Aïcha, radiyallahu anha, Ummul Mu'minin, la mère des croyants, radiyallahu anha, elle a dit à un des tabi'in, Masruq, comme c'est rapporté dans Sahih Muslim, qui lui a posé la question, ou bien qui lui avait demandé quelque chose à ce sujet, elle lui a dit, « قالت, ومن زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أنزل الله عليه فقد أعظم على الله الفرية والله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. Donc c'est un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Aïcha radiallahu anha, elle dit à Masruq, celui qui pense ou qui s'imagine que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a caché quelque chose de ce que Allah lui a révélé, c'est-à-dire qui pense que Allah lui a caché quelque chose de ce que Allah a révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors il a inventé le plus grand mensonge contre Allah. Celui qui pense que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a caché quelque chose de la révélation, de ce que Allah lui a donné comme révélation, il l'a caché aux gens, alors il a fait à propos d'Allah le plus grand mensonge. Hein? Il a inventé à propos d'Allah le plus grand mensonge. Et elle mentionne ou elle cite comme preuve le verset 67 dans Surat Al-Ma'ida, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit, « Ô prophète, transmets ce qui a été révélé sur toi de la part de ton Seigneur. Et si tu ne le fais pas, c'est-à-dire si tu ne transmets pas ce qui t'a été révélé, alors tu n'auras pas transmis son message. Hein? Tu n'auras pas transmis son message. Wallahu ya'simuka minan nas, et Allah va te protéger des gens dans la transmission de ce message. Donc, ça c'est la preuve qu'il n'y a pas de rien de secret. Pourquoi c'est important ce point-là? Parce qu'il y a des gens parmi les gens qui se disent musulmans, parmi des différentes sectes ou différents groupes, comme les soufis, par exemple, les soufistes, eux, ils disent, non, il y a des connaissances secrètes que personne ne peut connaître, excepté s'il vient avec nous. Parce qu'ils prétendent que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a caché des choses de la révélation et qu'il l'a révélé seulement à une personne ou deux. Et puis que cette information secrète-là, elle a été transmise de génération en génération jusqu'à ce qu'elle arrive à leur cheikh à eux aujourd'hui. Hein? Et c'est ça ce qu'ils croient, ces gens-là. C'est pour ça qu'ils disent, peu importe qu'est-ce que tu étudies, dans le Coran et dans la Sunna, ils disent, ça n'a aucune importance. C'est nous qui détenons la vraie science. C'est nous qui détenons le secret. Hein? Quel secret? Déjà, est-ce qu'on a le droit de faire des secrets avec la religion d'Allah? Non. Tout le monde doit connaître la vérité d'Allah et le devoir du messager, c'était de transmettre la religion à tout le monde. Allah subhanahu wa ta'ala, combien de fois il le dit dans le Coran? وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Il n'appartient qu'au messager que de transmettre la religion d'une façon claire. Hein? Il n'incombe au prophète que de transmettre la religion d'une façon claire. Donc, on voit que la religion, elle est complète. Et elle a été transmise au complet. Et il n'y a rien qui a été caché, hein, de cette religion-là. Et le messager l'a transmise, comme on l'a mentionné. Comme c'est mentionné également dans un hadith célèbre. Lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a fait Hajjatul Wada', le hajj d'adieu, son dernier hajj, et que tous les sahaba étaient réunis avec lui, eh bien, il a fait un discours. Et dans ce discours, il leur a dit, yani, à propos de, du fait qu'il a transmis tout de la religion et de, des règles de la religion. Et il leur a expliqué le halal, et il leur a expliqué le haram, et il leur a expliqué que le saint et les biens et leur honneur, c'est quelque chose de sacré. Hein? Que le musulman, pour un autre musulman, c'est quelque chose qui est sacré. Son saint, ses biens et son honneur. Hein? Et que il a expliqué tout ce que Allah a ordonné et tout ce qu'il a interdit. Et après, il a dit aux gens qui étaient là, tous les musulmans qui étaient réunis, Ala hal ballagt. Hein? Il dit, n'est-ce pas que j'ai transmis? Et il répétait, oui. Hein? Alors il levait son, sa main vers le ciel, hein? Et il disait, Oh Allah, sois témoin. Oh Allah, sois témoin. C'est-à-dire, sois témoin que, j'ai, que ces gens-là ont témoigné que j'ai transmis correctement et avec confiance et fiabilité ton message. Donc leur, la religion, elle a été transmise complètement, parfaitement. Et lorsque quelqu'un vient parmi les gens et qu'il invente quelque chose dans la religion qui n'était pas, qui n'est pas présent dans le livre d'Allah, qui n'est pas présent dans la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam, et que les premiers successeurs de, du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba et ceux qui les ont suivis, ils n'ont jamais non plus pratiqué ces choses-là, hein, ni dans, et que c'est une chose qui est inventée, soit dans la croyance, soit dans la pratique, ou soit dans les paroles, ou soit une nouvelle méthodologie, qui est en contradiction avec la méthodologie et la voie, et l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, quand il fait ça, qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Ça veut dire que, pour lui, la religion, elle est incomplète. Ça veut dire que, pour lui, la religion n'a pas été complétée, qu'elle est déficiente. Et ça, c'est réfuté par le verset qu'on a mentionné tout à l'heure, « Al-yawma akmaltu lakum dinakum »« Aujourd'hui, j'ai complété pour vous votre religion. » Hein? Ou ça implique, ou bien ça peut impliquer aussi que elle est complète, elle était complète, mais qu'il restait encore d'autres choses que le messager sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas transmises. Et ça, comme on l'a dit, c'est hein, également faux. Et ça, c'est réfuté par le hadith qu'on a mentionné, le hadith de Aïcha tout à l'heure, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rien caché de ce qui a été révélé. De même que, comme on a lu dans le hadith tout à l'heure, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il a tout, hein, qu'il a tout transmis et il a fait témoigner les sahaba de ça, puis ensuite il a pointé vers le ciel et il a dit, Oh Allah, sois témoin. Donc tout ça, ça prouve. Et en plus de ça, dans Hujjat al-Wada, dans le même discours qu'il a fait lorsqu'il s'adressait aux sahaba, qu'est-ce qu'il a dit? Après avoir dit, est-ce que j'ai transmis et que les gens ont répondu, oui, nous témoignons que tu as transmis, il a dit, Oh Allah, sois témoin. Et après, qu'est-ce qu'il a dit aux sahaba? Il a dit, فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدَ الْغَائِبِ hein? فَرُبَّ مُبَلِّغٍ أَوْ عَامٍ سَامِعًا. Il a dit, alors dans ce cas, que la personne qui est présente aujourd'hui transmettre cette parole à celui qui est absent. Parce que peut-être que quelqu'un qui entend la parole aujourd'hui, il va la transmettre à quelqu'un qui va mieux comprendre que lui, cette parole. Hein? Et donc, la parole de celui qui fait des innovations, lorsqu'il fait des choses nouvelles dans la religion, c'est comme s'il disait, la religion elle n'est pas complète, donc il faut que je rajoute des nouvelles affaires dedans. Allah, il ne l'a pas complété. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il ne l'a pas complété. Il faut que je rajoute. Hein? Donc, c'est comme si la charia, pour lui, elle n'est pas complète. Ou bien, qu'il y a des choses qui sont obligatoires ou recommandées qu'il faut encore rajouter. Hein? Donc, si cette personne-là, elle croyait vraiment que la charia, elle est parfaite et complète, alors il n'aurait pas aucune excuse, aucune raison de rajouter quelque chose ou d'innover quelque chose dans la religion. Et donc, la personne qui invente ces genres de pratiques ou ces genres de croyances ou des choses de ce genre, eh bien, c'est une personne qui a dévié dans sa croyance du droit chemin. قال ابن المجيشون. Ibn al-Majishun, c'est un des salafs, un parmi les premiers, parmi les grands imams de l'islam. Et il a étudié avec l'imam Malik ibn Anas, l'imam de Dar al-Hijra. Hein? Donc Ibn al-Majishun, il parle de ce qu'il a entendu de son professeur, de son cheikh, l'imam Malik, rahimahullah. Il dit, يقول, من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. Il dit Ibn Majishun, j'ai entendu l'imam Malik qui a dit, celui qui invente quelque chose ou qui innove quelque chose dans l'islam et qui pense que c'est quelque chose de bien, alors il a pensé, cette personne-là pense que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a trahi le message. C'est comme s'il s'imagine que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a trahi le message. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, aujourd'hui j'ai complété pour vous votre religion. Et donc, ceux qui ne faisaient pas partie de la religion à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des sahaba, alors ça ne fait pas partie de la religion aujourd'hui. Si ce n'était pas une chose qui était pratiquée, ou si ce n'était pas une croyance qui était présente, qui n'était pas acceptée et crue par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et après lui, par ses sahaba, eh bien ça ne fait pas partie de l'islam aujourd'hui. Hein? Donc, beaucoup de gens, par exemple, qui sont nés dans des pays musulmans et que c'est des pays qui sont musulmans depuis longtemps, qui sont des pays qui sont convertis à l'islam depuis, par exemple, plusieurs siècles, eh bien, ils s'imaginent parfois que tout ce que les gens pratiquent chez eux fait partie de l'islam et que c'est en accord avec le Coran et la Sunna. Parce qu'ils voient que ces choses-là sont pratiquées depuis 100 ans ou 200 ans. Ou 300 ans, ou 400 ans, ou 500 ans. Hein? Donc ils s'imaginent que ça, c'est des choses qui font partie de l'islam et que c'est dans le Coran et dans la Sunna. Or, ce n'est pas le cas. Des fois, c'est des choses qui ont été inventées, ça fait 500 ans, mais avant 500 ans, on ne les retrouvait pas dans la Ummah. C'est une personne qui l'a inventé à cette époque-là et les gens après lui l'ont suivi parce qu'ils ont vu que c'était une personne pieuse ou que c'était une personne qui montrait qu'elle était sur le bien. Ils pensaient que c'était une personne qui avait de la connaissance. Ils l'ont suivi sans preuve et ils ont continué à faire cette pratique. Et les gens de génération en génération, ils se sont transmis cette innovation-là. Les petits ont grandi sur cette innovation et les vieux, hein, on grandit aussi sur cette innovation-là, et donc pour eux, c'est ça la religion. Et c'est pour ça que maintenant, dans certains pays, lorsque quelqu'un arrive avec une sunna et avec des choses qui contredisent qu'est-ce que les gens ont comme habitude ou comme pratique dans un pays, eh bien, les gens disent, mais lui, il nous amène une nouvelle religion. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas connu la sunna. Donc, ils pensent que la sunna, c'est l'islam. Ils pensent que la sunna c'est la bid'a. Puis ils pensent que la bid'a c'est la sunna. Parce qu'ils ont inversé la religion à l'envers. Hein? Donc Ibn Majishun, il a bien clarifié. L'imam Malik, il a bien expliqué que si quelqu'un il fait quelque chose de nouveau dans l'islam et il voit que c'est bon, c'est comme s'il pense que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas bien transmis le message. Il a failli à son travail. Il n'a pas été... Hein, honnête, il a trahi le message. يقول الإمام الشاطبي في كتابه القيم الاعتصام. Donc le cheikh il cite les paroles de l'imam al-Shatibi dans son livre al-Irtisam, et le livre al-Irtisam c'est un livre de référence que tous les savants utilisent comme référence dans le domaine de la bid'a, parce que c'est un grand livre écrit par ce cheikh qui explique vraiment en détail tout ce qui a rapport à avec la question des innovations dans la religion. Et donc, qu'est-ce qu'il fait ici, le cheikh l'imam al-Shatibi, dans cette citation-là? Il répète ce qu'on vient d'expliquer, mais en des termes plus scientifiques, plus islamiques, yani d'un haut niveau de clarification, dans le sens qu'il utilise des terminologies plus pointillées. Hein. Mais le fait, c'est que ça revient à quoi? Ça revient à dire que ce mubtadi', cette personne qui fait des innovations, si, quand il fait cette innovation-là, pense que c'est parce que la charia, elle n'est pas complète et que lui, il vient la compléter, dans ce cas-là, ça c'est kufr. Yani, cette personne-là qui fait ça avec cette intention-là, il est kafir. Sauf que, bien entendu, l'innovateur aujourd'hui qui fait une innovation, il ne le fait pas avec cette pensée-là. C'est-à-dire, quand il fait une innovation, il ne dit pas l'islam n'est pas complet ou la charia n'est pas complète. Hein? Il le fait sans vraiment penser ça. Hein? Donc, dans ce cas-là, c'est de l'égarement, quand même. C'est pas de la mécréance, mais c'est quand même dangereux, et c'est quand même de l'égarement. Et c'est ça le danger de l'innovation. Donc, ça nous montre déjà à quel point l'innovation est quelque chose de grave dans l'islam. Hein? Que si quelqu'un invente quelque chose dans la religion, à quel point ça peut être grave. Et également, le cheikh explique que le mubtadi', quand il invente des règles dans la religion, c'est comme s'il se met à la place de Dieu. C'est comme s'il se met à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala et il essaie d'imiter le législateur qui est Allah subhanahu wa ta'ala en inventant des règles religieuses et des pratiques religieuses ou des croyances religieuses. Alors qu'on sait donc, on sait que c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui a ce droit-là. Hein? Et la législation, c'est-à-dire la charia, la loi islamique, le Coran et la Sunna, ça ne fait pas partie de ce qu'on peut inventer, penser ou réfléchir avec notre raison. Hein? Pour que les hommes commencent à inventer des lois et des règles par eux-mêmes. Parce que si c'était quelque chose qui était uniquement basé sur notre logique ou notre raison, si la charia c'était uniquement quelque chose qui était basé sur notre logique ou notre raison, dans ce cas-là, Allah n'avait pas besoin d'envoyer des messagers. On aurait juste à utiliser notre logique, puis décider par nous-mêmes qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire, comment prier, comment pas prier, comment jeûner, comment faire le hajj, comment faire la zakat, ou des choses de ce genre. Est-ce que quelqu'un, par sa logique, il peut s'asseoir, réfléchir, puis dire c'est comme ça qu'on doit adorer Allah? Non. Ça, c'est des choses qu'on ne peut connaître que par la révélation seulement. Hein? Et la façon de comment on doit croire en Allah, comment on doit croire, et c'est quoi les éléments de la foi, et c'est quoi les éléments de la croyance, est-ce que ça, on peut le connaître par là? Logique seulement? C'est pas possible. C'est des choses qu'on doit connaître par la révélation. Donc, celui qui invente des choses dans la religion, il se met à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est comme si cet innovateur, donc il essaie de se mettre à cette place-là et faire des lois. Et ça ouvre quoi? Ça ouvre la porte à la division et à la divergence et aux innovations. De même que également, l'innovateur, il suit ses passions en faisant ces choses-là. Il suit ses passions lorsqu'il invente des choses dans la religion. Il suit ses désirs. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit dans le Coran de suivre nos passions et nos désirs dans la religion. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 50 dans sourate Al-Qasas, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ. C'est-à-dire, et qui est plus égaré que celui qui suit sa passion sans aucune guidance venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Donc celui qui ne suit pas la guidance d'Allah, ça veut dire qu'il suit sa passion. Hein? Et il n'y a personne de plus égaré que lui. Hein? Donc ça c'est un point qui vient ajouter au danger de l'innovation. Et c'est pour cette raison-là que les hommes de science, quand ils parlent des innovateurs et des innovations, ils disent qu'ils les appellent Ahlul Bid'a ou Ahlul Ahwa. Ils les appellent les gens de Bid'a et ils les appellent les gens de la passion. Ahlul Ahwa. Hein? C'est des synonymes. Pourquoi? Parce que la personne qui suit autre que la guidance d'Allah et autre que la sunna, autre que qu'est-ce qui est dans le Coran et dans la sunna, eh bien automatiquement il suit sa passion. Parce qu'il contredit ce qui est dans le Coran et dans la sunna. Donc vous allez souvent entendre dans les paroles des salafs, Ahlul Ahwa. Le cheikh dit ensuite, inna hadha al-mubtadi', il dit, et ce mubtadi', wa alaykum salam wa rahmatullah, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné que celui qui vient ramener des règles dans la religion de son propre chef ou de son propre de sa propre invention, celui-là il a dévié. Et Allah subhanahu wa ta'ala a donc dévié, a fait dévier son cœur, comme punition pour avoir dévié du droit chemin et de la guidance. Comme Allah il dit dans Surat As-Saff, le verset 5, فَلَمَّا زَارُوا أَزَارَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. Et également, les innovations viennent du fait que des gens suivent ce qui est ouvert à diverses interprétations dans le Coran et dans la Sunna. Et ils laissent de côté les versets qui sont clairs et explicites et qui ne peuvent avoir qu'une seule interprétation. Ou bien ils vont prendre un verset, justement, qui peut être interprété de diverses façons, et ils vont laisser de côté les autres versets sur le même sujet et sur la même question qui sont plus détaillés et qui ramènent des règles et des conditions qui viennent restreindre et limiter la compréhension du premier verset ou du hadith en question. Et ça, c'est en référence au verset 7 dans Surat Ala Imran, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit, هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Donc ce verset signifie, c'est lui Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait descendre sur toi le livre. Parmi ces versets, il y en a qui sont clairs et explicites, qui ne peuvent avoir qu'une seule façon d'être comprise, qui peuvent être uniquement être compris d'une seule façon. Et ceux-là sont les bases du livre. Tandis qu'il y a d'autres versets qui sont équivoques et qui peuvent avoir plusieurs significations. Ceux qui ont une déviation dans le cœur, une maladie dans le cœur, eux, ils cherchent expressément ces versets-là, qui peuvent avoir plusieurs interprétations. Parce qu'ils veulent faire de la fitna, ils veulent faire du trouble, de la division avec ça, et égarer les gens. Et ils veulent essayer de les déformer de leur sens, et de les interpréter selon leur passion. Donc, ça c'est le danger de ce que ces gens-là font parmi les gens de Bid'a. Et Aïcha radiallahu anha, elle a dit qu'elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de ce verset, lorsqu'elle a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam réciter ce verset, le verset 7 dans Surat Al-Imran, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, après avoir fini de réciter le verset, il a dit, إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم وإذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله فاحذروهم. C'est-à-dire, si vous voyez ceux qui suivent ce qui est équivoque du livre, qui peut avoir plusieurs interprétations, alors ceux-là sont ceux que Allah a mentionnés. Alors faites attention et prenez garde à ceux-là. Ou bien dans une autre narration, et si vous voyez ceux qui veulent disputer et débattre au sujet de ces versets, alors sachez que ce sont ceux-là dont Allah a parlé dans ce verset, alors prenez garde à ces gens-là. Ceux qui veulent prendre un verset et jouer avec, et qui laissent de côté les autres versets clairs qui viennent le clarifier. Et dans Surat Al-An'am, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 159, إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. Ceux qui ont divisé leur religion et qui sont devenus des sectes, tu n'as rien à faire avec eux. Tu n'as rien à voir avec eux, ces gens-là. En voulant dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se désavoue de ces groupes et de ces sectes, des gens qui ont divisé la religion. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. Ne soyez pas parmi les mushrikin, parmi ceux qui ont divisé leur religion et qui sont devenus des sectes, chaque groupe se réjouissant de ce qu'il possède. Hein? Chaque groupe se réjouissant de ce qu'il possède. L'imam Ibn Kathir, il dit à propos de ce verset, c'est-à-dire qui sont devenus des sectes comme les gens des autres religions, hein, et comme les gens qui suivent les passions et les égarements. Et Allah subhanahu wa ta'ala a innocenté et il a désavoué son prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce que ces gens-là sont tombés dedans, hein, de ce que ces gens-là ont fait comme secte et comme division. Et également Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le verset 153 dans sourate Al-An'am, il dit وأن هذا صراطي مستقيما فلا non, il dit وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. C'est-à-dire, et voici mon chemin droit dans toute sa rectitude, alors suivez-le et ne suivez pas les petits sentiers qui vont vous dévier, qui vont vous faire sortir de son chemin. Et voici ce que Allah vous enjoint pour que vous puissiez arriver à le craindre, avoir taqwa, avoir la piété. Et as-sirat al-mustaqim, donc, c'est le droit chemin, le chemin de la sunna, le chemin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de suivre, qui est l'islam, qui est le Coran, qui est la sunna, qui est la compréhension des sahaba, et ainsi de suite. Et les petits chemins, c'est les voies des gens de la divergence, les gens des voies de la passion et des innovations dans la religion. Et l'exemple qui explique plus clairement ce hadith, c'est ce verset, c'est le hadith qui est rapporté par l'imam Ahmad et Al-Nasa'i et Ibn al-Munzir et Al-Hakim, selon Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu. Et ce hadith explique le verset qu'on vient de lire. Qu'est-ce qu'il dit ce hadith? Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une ligne avec son doigt sur le sol, une ligne droite. Et après avoir tracé cette ligne droite, il a dit, ça c'est le chemin droit d'Allah. Puis, il a fait d'autres traits à gauche et à droite, à gauche et à droite de ce chemin, ou de ce trait qu'il avait tracé, il a fait des petits traits, à gauche et à droite, de chaque côté. Et qu'est-ce qu'il a dit après avoir tracé ces petits traits, à gauche et à droite? Il a dit, ça c'est des chemins, des petits sentiers, ou des petites voies. À la tête de chacun de ces petits chemins, il y a un diable qui invite les gens à le suivre. Et ensuite, il a récité le verset en question. Et voici mon chemin droit dans toute sa rectitude, alors suivez-le et ne suivez pas les petits sentiers qui vous diviseront de son chemin. Hein? Et donc, ça c'est la preuve que, premièrement, la vérité et la droiture, la guidance et la bonne voie, elle est un chemin unique, une vérité unique. Elle n'est pas multiple, elle n'est pas diverse. Et que la division et l'égarement et les sectes sont multiples. Il y a plusieurs chemins pour s'égarer. Mais il y a un seul chemin qui mène à la vérité, pas plusieurs. Comme le hadith qu'on a lu hier, dans le cours qu'on a fait sur le groupe sauvé, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les juifs se sont divisés en 71 sectes. Les chrétiens se sont divisés en 72 sectes. Et ma umma va se diviser en 73 sectes. Elles seront toutes en enfer, excepté une. Et les sahabes ont dit laquelle? Ô messager d'Allah. Et il a répondu, celle qui suit ce que je suis moi-même aujourd'hui ainsi que mes compagnons. Donc la vérité, c'est une seule voie, un seul groupe. Mais l'égarement, elle est multiple. Et elle a plein de chemins qui amènent vers la déviation et l'égarement. Et à propos du verset qu'on a lu, le 153 dans Sourate Al-Imran, Bakr ibn al-Ala, il a dit, il a voulu dire par ça, le shaitan parmi les hommes, et il parle des innovations. C'est-à-dire que les petits sentiers, c'est en fait des sentiers à la tête desquels il y a un diable qui appelle parmi les hommes. Parce qu'il y a des diables humains, il y a des diables parmi les djinns. Des fois, les gens pensent souvent aux djinns parmi les diables, ils pensent que les diables, c'est seulement parmi les djinns. Mais il y a des diables parmi les hommes aussi. Et parfois, ils sont plus dangereux que les diables parmi les djinns. Et il désignait par ces sentiers-là les innovations, les bidats. Et Mujahid, hein, un des grands savants de tafsir, l'élève de Abdullah ibn Abbas, parmi les tabi'in, il disait, et ne suivez pas les sentiers, c'est-à-dire les innovations et les passions, les désirs. Ou bien les shubuhat, c'est-à-dire les choses, les ambiguïtés et les doutes qui sont jetés par le shayatin pour mettre des doutes dans le cœur des gens et pour les faire suivre l'égarement. Et également dans les hadiths, on retrouve beaucoup de preuves qui viennent clarifier que les bid'ah, les innovations, sont des égarements. Hein, et qui montre l'égarement et le péché de faire des innovations dans la religion. Il y a le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Aisha radiallahu anha qui clarifie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad » et dans une narration de l'imam Muslim « Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad » Qu'est-ce que ça signifie? Ce hadith selon Aïcha, elle dit que le messager d'Allah a dit, celui qui invente dans notre religion ce qui n'en fait pas partie, eh bien, elle sera rejetée. Cette chose sera rejetée. Et dans une autre narration, celui qui fait une pratique qui ne fait pas partie de notre religion, elle sera rejetée. Et ces deux narrations-là, chacune de ces narrations ramène un point différent. La première narration, « Man ahdatha » ça veut dire celui qui a inventé, c'est pour blâmer celui qui a inventé en premier cette innovation-là. Le premier qui l'a inventé lui-même. Donc le mubtadi'. Et la deuxième narration, man amila amalan, ça veut dire celui qui ne l'a pas inventé, mais qui suit celui qui l'a inventé, hein, qui pratique cette innovation-là. Donc ça vient interdire cet aspect-là aussi. Que même si ce n'est pas toi qui l'as inventé, ce n'est pas grave. Du moins que c'est quelque chose qui ne fait pas partie de la religion, c'est quelque chose à rejeter. Et la bid'a, dans la signification de la bid'a, dans la langue arabe, c'est al-ikhtira, ala ghayri mithal sabiq. Ça, c'est ce que les ulama ont clarifié. Donc, ça veut dire quoi? L'ikhtira ala ghayri mithal sabiq, c'est-à-dire d'inventer ou de faire quelque chose, d'innover quelque chose, sans se baser sur un exemple précédent. Quelque chose qui est nouveau. Et donc, parmi les exemples de l'utilisation de ce mot-là, dans son sens linguistique, on retrouve des exemples dans le Coran, comme par exemple le verset 101 dans Surat al-An'am, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, il parle de lui-même en disant qu'il est badi'u samawati wal ard. Allah subhanahu wa ta'ala, il est badi'u samawati wal ard. Donc ça, c'est la même racine, badi', c'est la même racine que bid'a. Hein? Et ça veut dire quoi? Ay mukhtari'uhuma min ghayri mithalin sabiq. C'est-à-dire celui qui les a fabriqués et qui n'avait pas il les a inventés, fabriqués, sans avoir un modèle précédent. Hein? Et il dit, on dit, yuqal fulan ibtada'a fulan bid'atan. On dit, un tel, il a innové quelque chose. Et dans le sens qu'il a débuté ou commencé quelque chose et que personne ne l'avait précédé avant lui. C'est ça que ça signifie dans la langue arabe, une innovation en arabe bid'a. Wahada amrun badiya. Donc ça c'est, il dit yuqalu fi shay al mustahsan. Quand on dit que quelque chose est bien fait, hein, on dit que c'est quelque chose qui est badir, hein, quelque chose qui est bien fait, c'est beau. Donc on utilise cette, cette expression-là aussi. Et min hadha al-ma'na summiyat al-bid'a bid'a. Et c'est dans ce sens-là qu'on a appelé la bid'a bid'a. Et il dit que ici, ça c'est la signification de la bid'a dans la langue arabe. Dans la religion, qu'est-ce que c'est la bid'a? Voici la définition religieuse maintenant. On a donné la, la définition linguistique. Maintenant, la définition religieuse de la bid'a, c'est la définition qui est mentionnée par l'imam al-Shatibi dans, yani, dans Al-I'tisam. Il dit « Tariqatun fid-din mukhtara'a tudahi al-shar'iyya yuqsadu bis-suluk 'alayha المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى وهل التعريف يشمل كل ما أحدث في الدين مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه. Il dit que la bid'a, la définition dans la religion de, du mot bid'a dans le sens religieux, c'est toute voie qui est inventée dans la religion pour imiter la sharia, pour imiter la charia, et qu'on fait dans le but d'essayer de d'aller plus loin dans l'adoration d'Allah. Et cette définition là c'est la définition qui comprend toutes les différentes formes de choses qui ont été inventées dans la religion qui n'ont aucun fondement dans la charia. Il dit en ce qui concerne les choses qui ont un fondement dans la charia, alors dans ce cas là ce ne sont pas des innovations religieuses, mais ce sont des innovations sur le plan linguistique. Et c'est pour cette raison-là que tu vas trouver certains parmi les salaf, ils vont désigner certaines choses par le terme bid'a, comme l'expression ni'matul bid'a hadhihi, que Omar ibn al-Khattab a mentionné lorsqu'il a réuni tous les gens derrière un seul imam dans la mosquée durant le Ramadan pour le Tarawih. Donc quand il a fait ça, il a dit ni'matul bid'a hadhihi. Hein? Lorsqu'il a vu les gens en train de prier tous ensemble derrière un seul imam dans la mosquée durant les nuits du Ramadan, il a dit ni'matul bid'a hadhihi, c'est-à-dire comme c'est une belle bid'a, ou quelle belle bid'a que celle-ci. Et pourquoi? Il dit parce que à la base le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà fait ça durant sa vie, hein, pendant trois nuits, il l'avait fait. Il a prié le Tarawih, après la prière de Isha, il a prié le Tarawih avec les Sahaba pendant le Ramadan, mais il a arrêté de le faire. Il n'est pas ressorti la quatrième nuit. Alors, les gens ont attendu pendant la nuit pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sorte, pour qu'il prie avec eux. Mais il n'est pas sorti. Alors, le lendemain, pour le Fajr, quand il est sorti, il a dit, je sais que vous m'avez attendu durant la nuit pour que je vienne prier. Mais la chose qui m'a empêché de sortir pour venir faire la prière de la nuit avec vous, c'est parce que je craignais que cette chose-là, si vous la faites tous les jours, que ça va devenir obligatoire pour vous et puis que vous ne serez pas capable de le faire. Donc après, les gens ont laissé cette pratique. Et des gens priaient durant le Ramadan dans la mosquée, mais en groupe, ou bien, c'est-à-dire en petit groupe, séparé, ou bien de façon individuelle. Mais ils ne priaient pas tous ensemble. Et c'est resté comme ça jusqu'au khilafa de Abu Bakr Siddiq, quand Abu Bakr a succédé. C'est resté comme ça. Les gens ne priaient pas ensemble dans le Tarawih. Puis, Abu Bakr est mort, radiallahu anhu, Omar ibn al-Khattab est devenu le khilafa, est devenu le khalifa. Et les choses ont continué comme ça. Sauf que lui, il a décidé, à un moment donné, il a dit, je vais faire comme les gens faisaient à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Je vais les mettre tous ensemble, derrière un seul imam, dans le Tarawih, dans le Ramadan. Et là, les gens se sont tous rassemblés, et ils ont tous prié ensemble durant la nuit, derrière l'imam. Alors, quand Omar Ibn al-Khattab radiyallahu anhu a vu ça, là il était content, et quand il a vu ça il a dit comme elle est belle cette innovation. Mais le terme innovation qu'il utilise ici, c'est pas innovation dans le sens que c'est une innovation religieuse qui est contraire à l'islam, non, c'est dans le sens linguistique seulement, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est nouveau, les gens ils ne le faisaient pas avant, dans le sens que ça, les gens l'avaient délaissé. Et il a ramené cette sunna qui était délaissée. Il a fait revivre cette sunna qui était oubliée. Donc, il se réjouissait de ça. Et il a dit ça de cette façon. Mais pas dans le sens que c'était une innovation, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait fait. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, donc ça ne fait pas partie des innovations. Ça, c'est la réponse à ceux parmi les gens de bid'a, comme les ahbash, par exemple, de la mosquée Salahuddin. Qui font partie de la secte qu'on appelle la secte des Ahbash, qui appellent aux innovations et aux bid'ah, et qui défendent les bid'ah. Quand on leur dit que les bid'ah c'est interdit, ils répondent non, mais c'est des bonnes innovations, c'est des bonnes bid'ah. Nous on leur dit non, il n'y a pas de bonnes bid'ah. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de façon très claire, kullu bid'atin dalala. Toutes les innovations sont des égarements, c'est-à-dire dans la religion. Toute innovation dans la religion, dans la pratique religieuse, ou dans les croyances, ou dans les paroles, ou dans la méthodologie de l'islam, toutes ces pratiques-là sont des égarements. Si quelqu'un ramène quelque chose de nouveau, ça c'est de l'égarement, donc il n'y a pas de bonne innovation. Hein? Oui, lui il le dit dans le sens que c'est quelque chose que les gens avaient oublié ou délaissé. Puis lui, il l'a fait revivre, cette sunna. Pas que c'est lui qui l'a inventé, parce que c'est faux. C'est pas lui qui l'a inventé. Et la même chose pour la personne qui fait, par exemple, comme par exemple le fait que les sahaba, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont réuni les pages du mushaf et ils l'ont mis ensemble dans un seul livre. Donc il y en a des gens de bid'a pour essayer de justifier les innovations qu'ils font, ils vont utiliser ça comme exemple. La salat de Tarawih. Ou bien le fait que les sahaba ont mis le Coran ensemble dans un seul livre. Mais ça, ce n'est pas une innovation. Parce que les pages du Coran étaient séparées. Et les sahaba ont voulu les rassembler pour éviter qu'elles se perdent. Et pour préserver le Coran. Hein? Et donc, durant la vie d'Abu Bakr, ils ont rassemblé toutes les pages ensemble. Et à l'époque de Uthman ibn Affan, ces pages ont été mises ensemble dans un seul livre. Hein? Et donc, ça c'est l'action des Khulafa al-Rashidin. Et donc, ça fait partie de leur sunnah. Et donc, on doit l'accepter, on doit être satisfait de ça. Et c'est dans le but de préserver le Coran. Et donc, dans ce cas-là, c'est pas... Hein? Une bid'a, c'est pas quelque chose qui est bid'a. De même que Allah subhanahu wa ta'ala, il parle du Coran dans le Coran, il mentionne que c'est un kitab, que c'est un livre. Hein? Et aujourd'hui, on met le Coran dans des CD, dans des clés USB, dans l'ordinateur, dans des radios, dans des cassettes. Donc ça, c'est des moyens de préserver le Coran. Hein? Et donc, il ne faut pas se laisser confondre par ces gens-là, qui essaient parfois de mélanger les gens avec ces faux arguments-là, de dire que non, ça c'est des bonnes innovations. Et ils vont parfois essayer de faire des choubouhats, comme par exemple pour mélanger les gens, ils vont dire, oui mais à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas des voitures, il n'y avait pas des ordinateurs, il n'y avait pas l'électricité, il n'y avait pas des haut-parleurs, des micros, il n'y avait pas des avions, il n'y avait pas des voitures. Est-ce que tout ça c'est interdit? Tout ça c'est des innovations. Nous on leur dit ça c'est des innovations. Mais ce n'est pas des innovations dans la religion. C'est des innovations dans les affaires de la dunya. C'est des innovations technologiques. Des innovations techniques. Hein? Donc, ça, c'est quelque chose qui rentre dans, de façon générale, dans les aspects de qu'est-ce qui est pour nous aider dans les affaires de la dunya. Et si on l'utilise dans le halal, ça devient halal. Et si on l'utilise dans le haram, ça devient haram. Hein? Mais en soi, c'est pas quelque chose qui est contraire à la religion. Et c'est pas quelque chose qui fait partie de la croyance, de l'adoration, ou des pratiques religieuses, ou des règles de la religion. Donc, c'est pas des innovations religieuses, et donc c'est pas interdit de ce point de vue-là. Donc, laissez-vous pas, tromper par des arguments comme ça. Il y en a qui disent, il faut pas manger avec des fourchettes ou avec des cuillères, il faut pas s'asseoir sur une table, il faut pas s'asseoir sur des chaises, c'est des innovations, des choses comme ça. Ça rentre pas dans les actes de la religion, ça rentre pas dans les pratiques religieuses, ça rentre dans les moyens qu'on utilise pour faire différentes actions de la dunya et qui vient pas en contradiction avec l'islam. Donc ça n'a rien à voir avec la bid'ah. Mais c'est exactement ça que je suis en train de dire maintenant. Tout ce que je viens de dire depuis tout à l'heure, c'est à propos de ceux qui pensent qu'il y a des bonnes bid'ah. Hein? Bid'atun hasana. Hein? Et les gens, il y a plusieurs groupes qui utilisent ça comme excuse. Les gens de tablir, hein? Ils font des bid'ah, ils disent que c'est des bonnes bid'ah. Mais la meilleure excuse pour quelqu'un qui fait une bid'ah, c'est d'essayer de dire qu'il y a des bonnes bid'ah. C'est comme quelqu'un, par exemple, qui veut pas se faire critiquer ou réprimander quand il contredit l'islam. Alors il essaie de faire croire aux gens que qu'est-ce qu'il fait, c'est pas contraire à l'islam. Alors qu'il y a des textes clairs qui interdisent l'innovation, lui il va te dire oui, c'est vrai, il y a des innovations, mais ça c'est pas une mauvaise, c'est une bonne innovation. Si c'était une bonne innovation, ce serait pas une innovation dans la religion. Ce serait une innovation dans les affaires techniques et technologiques, dans la dunya. Mais si c'est dans la religion, ça veut dire que c'est une mauvaise. Hein? Une mauvaise innovation. Et un petit point important, justement à propos de l'innovation, que beaucoup de gens n'ont pas compris, c'est qu'il y a une différence claire entre le péché et l'innovation. Un péché, par exemple, boire de l'alcool, ou bien manger du porc, ou bien le zina, ou bien le riba, hein, ou des choses de ce genre. Ça, c'est des péchés, des choses interdites. Lorsque quelqu'un fait ce genre de choses-là, ce genre de péché-là, est-ce que c'est quelque chose qu'il fait pour et qu'il est fier de qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il le fait? En général, quelqu'un, quand il fait des péchés, il a honte. Hein? Et cette personne qui le fait, en général, il cherche à se repentir. Hein? Tandis que l'innovation, c'est différent. L'innovation, c'est quelque chose, quand quelqu'un l'a fait, il pense que Allah est satisfait de lui en le faisant. Et donc, c'est pour ça que plusieurs d'entre les salafs ont dit que la bid'a est plus dangereuse que le péché. Hein? Et l'imam, si je me rappelle, c'est l'imam Ayyub al-Sartiani qui disait « Al-bid'a ahabbu ila iblis min al-ma'siyah » لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. Il dit la bid'a, le diable il la préfère au péché, parce que le péché tu peux t'en repentir, parce que quand tu fais un péché tu te sens mal en toi-même, t'as honte et tu te repens, tu cherches à revenir à Allah et à cesser de le faire. Tandis que l'innovation c'est le contraire. Quand tu le fais, tu penses que Allah aime qu'est-ce que tu fais et qu'il va te récompenser pour ce que tu fais. Alors comment tu vas arrêter de le faire? En fait, le péché dans ce sens-là, s'il continue à le faire, il suit sa passion. Tant qu'il reconnaît que c'est un péché, c'est toujours un péché et il doit s'en repentir. Hein? Mais même s'il continue à le faire, ça reste toujours un péché. Mais s'il le rend halal et qu'il dit ce péché-là, c'est pas interdit. Boire de l'alcool, c'est pas interdit. Là, ça devient très dangereux parce qu'il rend halal ce qui est haram, et ça c'est kufr, parce qu'il dément, hein, il dément ce que Dieu dit et ce que le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, hein. Et par exemple, il y a d'autres paroles également, il y a par exemple, il y a des citations comme parmi les citations des salafs. Arta ibn al-Munzir, il dit, je préfère que mon fils soit un pécheur parmi les pécheurs qu'il soit un sahib hawa, qu'il soit un innovateur. L'imam Saïd ibn Jubayr, il a dit, comme c'est mentionné dans Al-I'tiqad de l'imam Al-Bayhaqi, je préfère que mon fils fréquente un homme pécheur, fasiq, ou un homme mauvais, chatir, qui est sunni, c'est-à-dire il fait des péchés, mais il est sunni, il ne fait pas de bid'ah, que de voir que mon fils va fréquenter une personne qui fait beaucoup d'adoration, mais qui est mubtadi'. Hein? Il fait beaucoup d'adoration, mais il est innovateur. L'imam al-Shafi'i, hein, rahimahullah, il a dit qu'un serviteur rencontre Allah avec tous les péchés autres que le shirk est meilleur pour lui que de le rencontrer avec une seule d'entre les ahwa, que de le rencontrer avec une seule d'entre les passions. Donc ça montre le danger de la bid'ah, et que c'est plus dangereux que le péché. Hein? Une autre citation de l'imam Ahmad ibn Hanbal, rapporté par Ibn Abi Ya'la dans At-Tabaqat, Tabaqat al-Hanabila. Il dit, l'imam Ahmad ibn Hanbal dit, les tombes des gens de la Sunna, parmi ceux qui font des grands péchés, sont comme des jardins verdoyants du paradis. Et les tombes des gens de Bid'ah, parmi les adorateurs, qui délaissent la dunya, qui font le zuhud, sont comme un gouffre de l'enfer. C'est, regardez, le pécheur qui est sur la sunna, sa tombe c'est un jardin du paradis. Parce que il est sur un péché, il sait que qu'est-ce qu'il fait c'est haram dans son cœur. Il a honte de ça. Tandis que l'adorateur qui fait beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes, beaucoup de zikr, beaucoup d'adoration, qui délaisse le monde de la dunya, mais qui est sur la bid'ah, sa tombe, c'est un gouffre de l'enfer. Pourquoi? Parce qu'il contredit la religion d'Allah et il pense que Allah est satisfait de lui. Et il rend ça halal. Et il dit après, et les pécheurs, les fusaq, des gens de la sunna, sont des awliya, sont des rapprochés d'Allah, tandis que les adorateurs qui délaissent la dunya parmi les gens de bid'ah sont des ennemis d'Allah. Ça, c'est une parole, quand tu dis ça à des gens, ils ne vont rien comprendre. Ça, c'est parce que lorsque tu mets le péché à côté de la bid'ah, c'est de légiférer à la place d'Allah dans la religion et d'inventer des choses qui ne font pas partie de la religion et de dire que la religion, elle n'est pas complète, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas transmis la religion d'Allah correctement. L'exemple aussi d'une autre citation, Malik ibn Marul. On a dit à Malik ibn Marul, on a vu tes enfants jouer avec des oiseaux. Il a dit, c'est bien. Cela les occupera de fréquenter un innovateur. On a dit, je préfère qu'ils jouent avec les oiseaux que de le voir avec un mubtadi. Hein? Yunus ibn Ubayd a dit à son fils, j'interdis le zina, le vol et boire de l'alcool. Mais il serait préférable de rencontrer Allah avec cela, avec ses péchés, que de le rencontrer avec l'opinion de Amr ibn Ubayd et de ses compagnons qui étaient de la secte des Mu'tazila. Amr ibn Ubayd, c'est un des fondateurs des Mu'tazila qui nie la prédestination d'Allah et qui nie les attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Hein? Il nie les attributs d'Allah. Donc ça, c'est des graves innovations d'égarement. Et c'est des gens qui appellent les musulmans à se révolter contre les dirigeants et beaucoup d'autres innovations. Les Mu'tazila, c'est une secte très grave, très dangereuse. Hein? Donc ça, c'est pour nous faire comprendre la différence entre les péchés et l'égarement. Hein? Donc, il y a des gens qui ne font pas de différence entre les deux, entre la bid'a et le péché. Et ils pensent que les deux, c'est la même chose. Non, ce n'est pas la même chose, parce que la bid'a, elle est interdite de façon générale par les hadiths qui disent que toute innovation est égarement. Et que tout ce qui ne fait pas partie de la religion, c'est rejeté. Tandis qu'un péché, c'est interdit par un texte explicite qui nous mentionne que le zina, c'est haram. Boire de l'alcool, c'est haram. Faire le riba, c'est haram. Mais il n'y a pas des hadiths qui vont mentionner chaque bid'a qui est interdite. Parce que toutes les bid'a sont interdites sans exception. Hein? Vous voyez donc la différence? Donc c'est ça. Il y a des gens qui ne comprennent pas beaucoup ça. Donc, il y a beaucoup de choses à expliquer en détail, mais on ne peut pas tout citer aujourd'hui. Il y a aussi un autre point important aussi à comprendre. C'est que ce n'est pas suffisant juste de ne pas faire de bid'a soi-même. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, moi je ne fais pas de bid'a. Sauf qu'ils acceptent les bid'a des autres. Et quand ils voient d'autres musulmans faire des bid'a, ils ne vont pas condamner ça. Ils ne vont pas dire, non, ça c'est pas, hein, c'est de l'égarement. Ils vont voir par exemple des bid'a chez les autres sectes. Hein, les sectes des Shia, Soufia, des Mu'tazila, des Khawarij, des Takfiriyin. Ils vont voir des bid'a chez les Jama'at Tablir. Ils vont voir des bid'a chez les Soufis. Ils vont voir des bid'a chez les Ikhwan al-Muslimin. Et chez d'autres groupes comme les Sururiya ou autres. Et ils approuvent de ces bid'a-là même s'ils ne les font pas eux-mêmes. Donc du moment que tu les approuves, et que tu restes avec ces gens-là, même si tu ne les fais pas toi-même, ça rentre dans qu'est-ce qui est blâmable. Et je vais vous citer quelques paroles justement des salafs, encore pour que vous puissiez comprendre la gravité des innovations. L'imam Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, on lui a demandé, conseille-moi, il a dit, mets-toi sur la droiture, à l'istiqama, et suis le commandement et ne fais pas de bid'ah. Et Al-Hassan a dit que Abu Darda, un des compagnons, radiallahu anhu, a dit, sois un savant ou un enseignant, ou celui qui écoute, ou celui qui aime, mais ne sois pas le cinquième, car tu périras. Et il a dit, et qui est le cinquième? Il est Al-Mubtadi'a, c'est-à-dire l'innovateur. Celui qui fait bid'a, on l'appelle en arabe un Mubtadi'a. Mubtadi'a. Également, Abu Idris al-Khawlani a dit que Yazid ibn Umayra, le compagnon de Mu'adh ibn Jabal, a dit que Mu'adh a dit, prenez garde aux bid'a, car les bid'a sont des égarements. Nafi' a dit que Ibn Umar, radiallahu anhu, a dit, toutes les bid'a sont des égarements, même si les gens les voient comme étant bonnes. Hein? Kullu bid'atin dalala wa in ra'aha an-nas hasana. Hein? Ibn Mas'ud a dit, suivez la sunna et ne faites pas de bid'a, car vous avez dans la sunna ce qui est suffisant. Hein? Et toutes les bid'a sont des égarements. Abdullah ibn Mas'ud a dit, vous allez inventer des choses et on va inventer des choses pour vous. Alors si vous voyez des choses inventées, revenez à la chose première. Mifdal ibn al-Muhalhal, il a dit, si le mubtadi', lorsque tu t'assois avec lui, se limiter à te parler de sa bid'a, tu pourrais prendre garde et tu pourrais le fuir. Toutefois, il vient te parler avec des paroles de la sunna au début de la discussion, puis il vient à toi avec sa bid'a par la suite. Et il se peut que cette bid'a reste dans ton cœur, et quand va-t-elle sortir? C'est-à-dire que le mubtadi', quand il veut t'appeler à son innovation, quand il va venir te parler, il ne va pas commencer par la bid'a. Au début, il va venir, il va te parler de la sunna. Il va te dire des choses que tout le monde accepte, que tout le monde connaît. Puis, une fois qu'il a gagné ta confiance, là, il va commencer avec ses bid'a. Hein? Il va sortir ses bid'a. Et c'est comme ça que des gens s'égarent. Et c'est pour ça ils disent, les salafs ont dit, comme par exemple ici, Hisham a dit que Al-Hassan et Mohammed ibn Sirin disaient, ne vous asseyez pas avec les gens de la passion, Al-Ahwa, et ne débattez pas avec eux, et n'écoutez pas leurs paroles. Hein? Donc, c'est-à-dire même de s'asseoir avec eux. Hein? Et ça, c'est en particulier parce que les sahaba, les ulama ont divisé les mubtadi'a en deux catégories. Les mubtadi'a qui pratiquent une innovation pour eux-mêmes et qui ne la diffusent pas, ils ne la propagent pas, et les innovateurs qui diffusent et qui propagent leur innovation. Et les plus dangereux, c'est les innovateurs qui propagent leurs innovations, et c'est de ceux-là dont on parle ici, de ceux qui appellent à leurs innovations et à leurs bid'ah, qu'on n'a même pas à s'asseoir avec eux, ni à leur parler, ni à débattre avec eux, ni à écouter leurs paroles. Et même de ne même pas leur rendre le salam parfois, à cause de ces innovations-là. Ayyub al-Sartiani, il a dit que Abu Qilaba m'a dit: « Oh Ayyub, mémorise de moi quatre choses. Ne parle pas du Coran selon ton opinion. Prends garde de rentrer dans les débats sur le qadar, la prédestination. Si on te parle des sahaba, garde-toi de dire du mal sur eux. Et préserve tes oreilles contre les gens de bid'ah pour qu'ils ne jettent pas ce qu'ils veulent. Pour qu'ils n'y jettent pas ce qu'ils veulent. » Asma, la grand-mère de Saïd ibn Amir, a dit: deux hommes parmi les gens de bid'ah sont entrés voir Muhammad ibn Sirin, un savant parmi les tabi'in. Et ils ont dit: « Oh Abu Bakr, hein, » c'est le surnom de Muhammad ibn Sirin, « Oh Abu Bakr, pouvons-nous te citer un hadith ?» Il dit non. Ils dirent: « Alors, est-ce que nous pouvons te citer un verset dans le livre d'Allah ?» Il dit non. Soit vous partez ou c'est moi qui pars. Et dans une autre narration, Salim ibn Abi Mutir a dit, un homme parmi les gens de bid'ah a dit à Ayyub al-Sartiani: « Oh Ayyub, puis-je te questionner au sujet d'un mot ?» Il dit non. Et en montrant avec son doigt, il dit: « Pas même la moitié d'un mot. Pas même la moitié d'un mot. » Baqiya a dit, al-Awza'i disait: « Celui qui nous cache sa bid'ah ne pourra pas nous cacher ses affiliations. » Parce qu'une des manières qu'on peut utiliser pour reconnaître l'innovateur, c'est les gens avec qui il marche et les gens avec qui il se tient. Et il y a beaucoup de gens, hein, parfois tu le vois, tu ne peux pas savoir est-ce qu'il est sur une bid'ah parce qu'il ne le divulgue pas, il ne le dit pas à personne. Sauf que par son entourage, tu peux savoir quel genre de personne il est. Parce que qui se ressemble, s'assemble. Et c'est pour ça que Al-Awza'i, il disait: celui qui nous cache sa bid'ah, il ne pourra pas nous cacher ses affiliations. Yahya ibn Sa'id al-Qattan a dit: quand Soufiane al-Thawri est arrivé à Basra, il observa la situation de Rabi' ibn Sabih et le respect que les gens avaient pour lui. Alors Yahya ibn Sa'id al-Qattan, hein, regarde, c'est lui qui dit ça. Il dit: Soufiane al-Thawri, un des grands imams parmi les salafs, il arrive à Basra, la ville de Basra. Et il observe la situation d'un homme qui s'appelle Rabi' ibn Sabih. Et les gens le respectaient. Alors, l'imam Soufiane al-Thawri a dit: quelle est sa voie? C'est quoi son manhaj? Il est sur quelle voie? Est-ce qu'il est sur la sunna? Les gens ont dit: sa voix n'est rien d'autre que la sunna. Les gens ont dit: sa voix n'est rien d'autre que la sunna. En parlant de Rabi' ibn Sabih. Lui, il est sur la sunna, c'est un sunniste, c'est un salafi. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Il dit: qui sont ses fréquentations? Ils dirent: les gens du qadar. C'est-à-dire ceux qui nient la prédestination. Alors, Soufiane al-Thawri a dit: alors c'est un qadari. Alors c'est un qadari. Pourquoi? Parce qu'il se tient avec les qadari. Les qadari, hein? Donc tu vois des gens aujourd'hui, peut-être que tu ne connais pas leur manhaj, mais tu vois que les gens avec qui ils marchent, c'est des gens de Ikhwan, des gens de Tablir, des gens de Soufia, des gens de Bid'a, de toutes les catégories. Et ils restent avec eux, et ils sont tout le temps avec eux. Et ils ne restent pas avec les gens qui sont sur la sunna et qui aiment la sunna et qui suivent la aqidah des salafs. Ça, c'est un signe. Si tu vois tout le temps quelqu'un avec des punks, qui marche avec les gens de la mode punk, qui font les cheveux dans les airs, les cheveux bleus, les vêtements déchirés. Même s'ils ne s'habillent pas comme eux, tu vas dire quoi? Ça dit, mais lui, c'est un punk. Hein? Donc, c'est la même chose. Hein? Allah al-Musta'an. Un autre a dit, Bishr ibn Ismail al-Halabi a dit, on a dit à l'imam al-Awza'i, un homme dit, je m'assieds avec les gens de la sunna et je m'assieds aussi avec les gens de la bid'a. Al-Awza'i a dit, c'est un homme qui veut mettre à égalité la vérité et le faux. Hein? Quelqu'un il dit, moi je m'assois avec tout le monde. Les gens de bid'a et les gens de la sunna, je ne fais pas de différence avec les gens. Tous les musulmans, c'est pareil pour moi. Tablir, Ikhwan, Takfiri, Khawarij, Soufia, Bid'a, ça ne me dérange pas. Pour moi, depuis que tu es musulman, c'est ça l'important. Ça ne me dérange pas le reste. Et qu'est-ce qu'il a dit à l'Awza'i? Il a dit, cet homme, il veut mettre à égalité la vérité et le faux. Il veut mettre les gens de la sunna à égalité avec les gens de la bid'a. Hein? Ça, c'est grave. Fudayl ibn Iyad, un des grands parmi les salafs, il a dit, ne fais pas confiance à l'homme qui est sur la bid'a pour ta religion. Et ne le consulte pas dans tes affaires. Et ne t'assieds pas avec lui. Et celui qui s'assied avec celui qui est sur la bid'a, Allah rend son cœur aveugle. Al-Firyabi a dit, Soufiane m'interdit de m'asseoir avec un tel parmi les gens de bid'a. Parce que les salafs, les imams parmi les prédécesseurs pieux, parfois, il désignait un innovateur par son nom. Il disait, un tel, ne t'assois pas avec lui, c'est un mubtadi. Hein? Et l'imam Ahmed, combien de fois, hein, il a parlé de Al-Karabisi. Il a interdit les gens de s'asseoir avec lui, alors que c'était un savant, et quelqu'un qui était dans le hadith. Il enseignait le hadith, hein, à cause d'une innovation qu'il a faite. Et à cause de cette innovation-là, il a interdit aux gens de s'asseoir avec lui. Hein? Et la même chose aussi à propos d'un autre également parmi les gens qui étaient connus comme narrateur de hadith, j'ai oublié son nom, et l'imam Ahmed a mis en garde contre lui, il a interdit de s'asseoir, hein, avec lui. Donc les salafs ils connaissaient ça. Aujourd'hui si tu fais ça, tu mets en garde contre un groupe ou contre un individu, et on dit ah, mais lui il met en garde contre les gens, il met en garde contre tout le monde, il est comme ci, il est comme ça. Alors que ça fait partie de la nasiha, ça fait partie du bon conseil. Mais étant donné qu'on vit dans une époque où les gens donnent peu de conseils, eh bien, quand on donne le conseil, on paraît comme un homme étrange, ou un homme extraterrestre, hein, quelqu'un qui est bizarre, ou extrémiste. Ils vont te dire, ah, lui, c'est un extrémiste. Ou bien ils vont dire aussi, ah, lui, c'est un madkhaliste, hein, lui, c'est un madkhali, hein, madakhila, ça fait partie des madakhila. Et ils font peur aux gens avec ça, madakhila. C'est qui, c'est quoi ça, madakhila, hein? Et ils désignent par ça un des savants de l'islam qui s'appelle Sheikh Rabi ibn Hadi al-Madkhali, qui est un savant parmi les savants, qui font partie des savants qui suivent la sunna. Mais parce qu'il a écrit plusieurs livres pour réfuter des innovateurs et des gens de bid'ah comme Sayyid Qutb et d'autres, eh bien, les gens de bid'ah l'ont pris en ennemi. Et ils le détestent à mort. Hein? Et s'il pouvait le tuer, il le tuerait. Pourquoi? Parce qu'il réfute la bid'a et les gens de bid'a. Et donc, toute personne qui met en garde contre l'innovation et contre les bid'a et contre les groupes et les individus qui ont des égarements, il dit, ah lui c'est un madakhila. Hein? C'est un jami. Allah al-Musta'an. Donc ça, c'est des exemples de ces gens-là. Kuhail, un des parents de la femme de Shu'ba ibn al-Hajjaj, a dit, j'étais chez Yunus ibn Ubayd et un homme est venu et dit, oh Yunus, est-ce que tu nous interdis de nous asseoir avec Amr ibn Ubayd? C'est qui Amr ibn Ubayd? C'est lui le Mu'tazili dont j'ai parlé tout à l'heure. Ça c'est un nom, c'est une personne, il a désigné quelqu'un spécifiquement et il a mis en garde contre lui de façon spécifique. Il a dit, est-ce que tu nous interdis de nous asseoir avec Amr ibn Ubayd? Hein? Un mubtadi' de la secte des Qadariyya. Alors que ton propre fils vient d'entrer chez lui, il dit, mon fils? L'homme dit, oui. Yunus ibn Ubayd se mit en colère. Et juste à ce moment, son fils entra. Yunus a dit à son fils, oh mon fils, tu connais ma position vis-à-vis de Amr ibn Ubayd et tu rentres chez lui? Son fils se mit à expliquer, à donner des excuses. Yunus dit, j'ai interdit la fornication, et l'adultère, et le vol, et l'alcool, Mais je préfère que tu rencontres Allah avec tous ses péchés plutôt que de te voir rencontrer Allah avec les idées de Amr ibn Ubayd et de ses compagnons parmi Al-Qadariya. Ibn Idris al-Khawlani a dit: je préfère voir dans la mosquée un feu que je ne suis pas capable d'éteindre que d'y voir une bid'a que je ne suis pas capable de changer. Je préfère de voir dans la mosquée un feu que je ne peux pas éteindre que de voir une bid'a que je ne peux pas changer. L'imam Yahya ibn Abi Kathir, il dit: si je rencontre une personne qui est sur la bid'a dans la rue, je prends un autre chemin. On a demandé à l'imam Abu Bakr ibn Ayyash: oh Abu Bakr, qui est le sunni? Il a dit: c'est celui qui ne se fâche pour aucune des bid'a lorsqu'elles sont critiquées devant lui. C'est-à-dire, tu critiques devant lui n'importe quelle bid'a, il ne se fâche pas. C'est lui le sunni. Mais si tu critiques une bid'a devant les gens, puis tu vois devant quelqu'un, puis tu vois qu'il commence à devenir la face rouge et il se met en colère, tu critiques un soufi, tu critiques un chiri, tu critiques un qadiri, tu critiques un takfiri, tu critiques un qutbi, tu critiques un murji, tu critiques un khariji, tu critiques un mu'tazili ou un ash'ari ou un soufi, parce qu'il fait ses bid'as, tu mets en garde contre lui, tu mentionnes ses égarements, tu mets en garde contre ses égarements, il se fâche, ça veut dire que ce n'est pas un sunni. Parce que le sunni, il se désavoue de toutes les bid'as, sans exception, il n'accepte aucune. Et pour être un muqtadir, ce n'est pas une condition que tu aies réuni toutes les bid'as ensemble. Si tu as une seule bid'as, ça suffit. Hein? Et c'est comme ça que les salafs faisaient. Ils n'attendaient pas que quelqu'un ait une dizaine de bid'as, une centaine de bid'as. Non, une seule bid'a, ça suffit, dans le sens que si tu as une des croyances des égarements, parmi les croyances des sectes d'égarements, et que tu prônes cet égarement-là, et que tu appelles à cet égarement-là, c'est suffisant. Hein? Un autre parmi les salafs, l'imam Abu Moussa, il dit: je préfère avoir comme voisin un juif et un chrétien, un singe et un porc, que d'avoir comme voisin un homme sur la bid'a qui rendra mon cœur malade. Hein? Ça c'est fort. Il dit: je préfère avoir comme voisin un juif et un chrétien, un singe et un porc, que d'avoir comme voisin un homme qui est sur la bid'a, qui va rendre mon cœur malade. Et les ulama, ils disent aujourd'hui, quand ils mettent en garde contre les groupes et les gens de bid'a, ils disent: les gens de bid'a sont plus dangereux pour l'islam que les juifs et les chrétiens. Alors quand les gens entendent ça, ils disent: mais comment ça? Les gens de bid'a, c'est des musulmans. À moins qu'ils ont fait une bid'a qui est mukaffira, parce qu'il y a des bid'a qui sont mukaffira, c'est-à-dire qui sont kufs, qui font sortir de l'islam. Puis il y a d'autres bid'a qui ne sont pas mukaffira, qui ne font pas sortir de l'islam. Donc si la personne, il n'a pas fait une bid'a qui est mukaffira, ça reste un musulman. Donc comment il peut être pire pour l'islam et plus dangereux pour l'islam que les juifs et les chrétiens? Ils ont dit pourquoi? Ça c'est parce que cette personne-là, quand il va parler, le juif quand il parle, t'amène ici un prêtre ou un rabbin devant les musulmans qui va parler. Est-ce que les musulmans vont l'écouter? Non. Est-ce que les musulmans vont croire de ce qu'il dit? Non. Parce qu'ils savent que c'est un kafir et qu'il ment à propos d'Allah. Mais si quelqu'un il vient ici avec la barbe, le qamis, une imam, un turban ou autre, il commence à parler, Allah a dit, le prophète a dit, mais qu'il est sur la bid'a et sur l'égarement. Eh bien là, les gens risquent d'être égarés et de tomber dans des choses qui sont en contradiction avec l'islam sans le savoir. Et c'est pour ça que le danger de l'innovateur est plus grand que le danger du juif et du chrétien. Et c'est pour ça que les salafs mettaient en garde plus contre les gens de bid'a qu'ils mettaient en garde contre les koufars. Abdus Samad As-Sa'ir a dit: j'ai entendu Fudayl qui disait: je voudrais qu'il y ait entre moi et celui qui est sur la bid'a une muraille de fer. Et Ibn Khaytham a dit: Taous était assis avec Talq ibn Habib lorsqu'un homme parmi les gens de bid'a arriva. L'homme dit: me permets-tu de m'asseoir? Taous a dit: si tu t'assois, nous partons. L'homme a dit qu'Allah te pardonne, ô Taous. Et il a dit, c'est ainsi que je le jure par Allah. Hein? Donc Taous, il a répondu, parce que l'autre a dit qu'Allah te pardonne. Il a répondu, Taous, l'imam Taous, un des tabi'in. Il a dit, c'est ainsi que je jure par Allah. Si tu t'assois, nous partons. Et l'homme s'en alla. Il ne voulait même pas ouvrir la porte aux gens de Bid'a pour leur donner la chance même de s'expliquer ou d'essayer de prêcher leurs idées ou de donner des prêches ou des paroles ou d'essayer de débattre ou d'argumenter pour leur ouvrir la porte. Parce qu'ils utilisent ces occasions-là pour jeter les doutes et les ambiguïtés dans le cœur des musulmans. Et parmi les salafs, il y en a que lorsqu'ils voyaient un mubtadi, il y en a un, je pense que c'était Ayyub As-Sakhtiyani. Quand il a vu un innovateur, il a mis ses doigts dans ses oreilles. Et il a dit à son fils, mets tes doigts dans tes oreilles, pour pas qu'il entende les paroles de cet innovateur. Et il a dit, pousse plus, c'est-à-dire pousse tes doigts, enfonce plus tes doigts encore, pour être sûr qu'il ne va pas entendre les paroles de cet innovateur-là. Pourquoi? Parce qu'une fois que la bid'a est entrée dans le cœur, eh bien, c'est très difficile à la faire sortir. Et parmi les ulama, il y en a plein qui ont écrit des livres pour mettre en garde contre les différentes formes d'innovation. J'ai dépassé le temps, je le sais, mais c'est juste pour clarifier certains points qui sont très importants. Les ulama, ils divisent aussi la bid'a en deux catégories. Al-bid'a al-haqiqiyya et al-bid'a al-idafiyya. Al-bid'a al-haqiqiyya, c'est une bid'a au sujet de laquelle il n'y a aucune preuve dans le Coran et dans la Sunna, du tout à la base. Quelque chose qui est complètement inventé. Et ça, c'est quelque chose de clair, c'est des égarements. Tandis que Al-Bid'atul Idafiyya, c'est des choses qui sont à la base, qui existent dans l'islam, mais auxquelles on ajoute des détails, des descriptions, ou des moments pour les faire, ou des nombres de fois pour les faire, qui ne font pas partie de la charia, qui ne sont pas supportés par aucune preuve, ni dans le Coran, ni dans la Sunna. Hein? Donc ça c'est qu'est-ce qu'on appelle al-bid'a al-idafiyya. Comme par exemple, lorsque quelqu'un par exemple, il va dire, moi je fais le dhikr, je vais faire le dhikr. Et qu'il commence à rajouter des règles pour faire le dhikr. Le dhikr, c'est quoi? C'est de se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le meilleur dhikr, c'est le Coran. Hein, c'est la ilaha illallah. Ou de dire la hawla wa la quwata illa billah. Ou de dire subhanallah wa alhamdulillah. Wallahu akbar. Hein, 33 fois avant, hein, 33 fois chaque. Après la prière, on fait ça, c'est des azkar. Hein? Donc ça c'est des exemples qui sont dans la sunna. Maintenant il y a quelqu'un qui vient, il rajoute des détails dans le dhikr, ou bien il rajoute des différentes formes de faire le dhikr, comme les soufis par exemple. Ils vont te dire, si tu veux faire le dhikr, il faut que tu te mettes en cercle et il faut que tu commences à dire la par exemple la ilah, la ilah. Tu vas répéter ça 1000 fois. Et après, tu vas répéter 600 fois. Illallah, illallah. Hein? Il y en a d'autres qui vont dire, tu dois dire, hu, hu, hu, hu, hu. Hein? Et il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent en rond et ils font ces genres de sons-là. Et en plus, ils font des gestes et des mouvements et des danses avec ça. Hein? Ils se balancent à gauche, à droite. Ils bougent la tête à gauche, à droite, comme ça. Hein? Comme des fous. Et ils pensent que ça c'est du dhikr. Il y en a qui sautent sur place, qui sautent en rond. Hein? Il y en a qui dansent. Hein? Et ils pensent que ça c'est du dhikr. Montrez-moi où vous avez pris ça dans le Coran. Où est-ce que vous avez pris ça dans la Sunna? Nulle part on retrouve ça. Et ça, ça ne fait pas partie du dhikr. Hein? Ça fait partie des bid'ah, des innovations. Même si à la base le dhikr, ça fait partie de l'islam. Ça fait partie de la sunna. Sauf que tu rajoutes des innovations qui viennent le faire sortir de la sunna. Aussi, il y a par exemple des gens qui vont faire un dhikr à un moment spécifique, mais qui n'est pas ordonné par la sunna, et eux, ils le font comme si c'était quelque chose qui était sunna. Ou bien ils vont dire il faut faire un nombre de fois, mais ce nombre de fois n'est pas basé sur la sunna. J'ai lu des, par exemple des exemples dans les livres des soufis, ils te disent si tu veux avoir telle chose, tu veux avoir tel baraka, tu vas mentionner le nom, tel nom d'Allah, par exemple 100 fois après la prière de Dhuhr, tel jour. Combien de vendredi, combien de lundi, et puis après tu vas avoir la baraka. Hein? Ben non, ça c'est pas mentionné dans la sunna. Il n'y a pas de preuve là-dessus. Hein? Donc ça c'est des exemples. Il y en a qui vont, par exemple, comme les Tijaniyas, ils se mettent en rond et ils mettent un cercle, un drap blanc au milieu et ils s'assoient autour. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ça? Jamais. Hein? Et ils disent, par exemple, que si tu vas réciter la prière Al-Fatih lima ughliq, tu vas avoir la récompense de lire 6000 fois le Coran. Hein? Ils ont mis donc plus de mérite à lire ce dua que de réciter le Coran. C'est comme si ils disent tu lis ce dua, t'as la récompense d'avoir lu le Coran 6000 fois. 6000 fois! Mais t'as pas besoin de lire le Coran. Hein? Allah al-Musta'an. Donc ça c'est des exemples. Et parmi les exemples de bid'a, on veut juste on termine avec ça inshallah parce que déjà on a pris du temps. Par exemple, de prononcer l'intention de la salat avant la prière. Ça c'est des exemples. Tu la prononces à haute voix. Ou bien de faire le zikr en groupe après la salat. Ça, c'est pas sunna. Après la prière, la sunna, c'est de faire le zikr individuellement, chaque personne. Mais dans certaines places, tu vas voir que l'imam, il finit sa prière, il fait un doua, puis tout le monde fait le doua avec lui. Et après, ils s'essuient la face avec leurs mains. N'essuyer la face avec la main, ça fait pas partie de la sunna. Même si tout le monde fait ça. Dans plein de mosquées, partout dans le monde, les gens font ça. C'est pas basé sur un hadith authentique. Il n'y a pas de preuve à ce sujet-là. Hein? Par exemple, de lire la Fatiha dans certaines occasions. Il y a des mosquées, les gens, après la prière, disent « Al-Fatiha ». Ils ont fini de faire la prière. Hein? Ils font les azkars à haute voix, l'imam il récite à haute voix « Subhanallah », comme par exemple en Turquie. Les Turcs, ils font souvent ça. « Subhanallah ». Après la prière, l'imam il a une boîte avec des tasbih, des chapelets. Ça aussi, il y en a qui, un lama qui dit ça rentre dans les innovations. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'utilisait pas de chapelet. Mais ils prennent des chapelets et distribuent ça à tout le monde. Chaque rang, quelqu'un il prend un chapelet. Là, il commence. Subhanallah! Et là, tout le monde dit Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Après quelques minutes, Alhamdulillah! Tout le monde dit Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Après, il dit Allahu Akbar! Et là, tout le monde dit Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hein? Alors que dans la sunna, c'est pas comme ça. Tu le fais individuel. Chaque personne le fait, il compte sur ses doigts. Hein? Et après, qu'est-ce qu'il fait? Il dit Al-Fatiha. Et là, tout le monde commence à réciter Al-Fatiha. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ça? Est-ce qu'il y a des hadiths authentiques qui mentionnent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait ça? Non. Donc ça rentre dans les innovations. Il y en a qui ils font ça aussi pour le mariage. Ils récitent la Fatiha. Ils appellent parfois l'acte de mariage Fatiha. Alors qu'il n'y a pas de lecture du Fatiha dans le mariage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour le mariage, il faisait khutbat al-hajja. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Il ne récitait pas la Fatiha. Hein? Donc ça fait partie des exemples. Le fait de faire al-ma'atim, hein? Lorsqu'il y a un décès, la famille prépare de la nourriture, ils engagent des récitateurs du Coran, et puis ils font une fête comme ça. Hein? Et ils pensent que ça c'est bénéfique pour le mort. Il n'y a pas de preuve pour ça dans la sunna. Par exemple, le fait de faire la célébration de Al-Isra ou Al-Mi'raj, quand il y a eu l'ascension du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le voyage nocturne de la Mecque à Baytul Maqdis et de Baytul Maqdis jusqu'au 7e ciel, eux ils prennent une date et puis ils célèbrent ce jour-là cette fête. hein, ou bien la naissance du messager sallallahu alayhi wa sallam, la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et dans certains pays, c'est devenu une fête nationale. Et ce jour-là, les gens n'ont pas de travail. Hein, c'est un congé. Pourtant, il n'y a aucune preuve dans le Coran et dans la Sunna au sujet de cette chose. Hein? Et les Sahaba, ils n'ont jamais hein, fait ça. Et les Tabi'in n'ont jamais fait ça. Et de même que les Tabi'in n'ont jamais fait ça non plus. L'imam Abu Hanifa l'a jamais fait. L'imam Malik l'a jamais fait. L'imam Shafi'i l'a jamais fait. L'imam Ahmad l'a jamais fait. L'imam Abu al-Bukhari, celui qui a fait le Sahih, il l'a jamais fait. L'imam Muslim, il l'a jamais fait. L'imam Ahmad ibn Hanbal, il l'a jamais fait. L'imam Abu Dawud, al-Sijistani, il l'a jamais fait. L'imam al-Nasa'i, l'imam al-Tirmidhi, l'imam ibn Majah, l'imam Sufyan al-Thawri, l'imam Sufyan ibn Uyayna, hein? Et l'imam, yani, Ayyub al-Sakhtiani, il l'a jamais fait. Et Ishaq ibn Rahouya, il l'a jamais fait. Et tous ces grands imams de l'islam, parmi les savants des trois premiers siècles, ils n'ont jamais fait. Hein? L'imam Ibn Taymiyyah, l'imam Ibn al-Qayyim, ils n'ont jamais fait. Et les ulama, les historiens ont dit que cette innovation est apparue 400 ans après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam en Égypte, et c'est inventé par la secte des Ismaélites, et qui est une secte d'hérétiques qui est en dehors de l'islam. Hein? Et qui croient que Dieu s'est incarné en leur dirigeant, Al-Hakim bi Amrillah. Hein? Et qui croient en toutes sortes de croyances de kufr. Ils ne croient même pas en Allah, ils ne croient pas aux messagers, ils ne croient pas aux prophètes, ils ne croient pas aux livres. Ils disent qu'il n'y a rien qui est halal, il n'y a rien qui est haram. Ils disent que tout ça c'est pour les gens qui ne sont pas initiés, qui sont faibles d'esprit, le genre ordinaire. Eux, ils ont une compréhension cachée de la révélation. Et pour eux, tout ça, c'est halal. Il n'y a pas d'obligation religieuse pour eux. Hein? Donc, c'est des hérétiques. Eh bien, eux, ils imitaient les chrétiens et les juifs et ils ont inventé la fête de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour imiter la fête de Noël chez les chrétiens. Donc, c'est une bid'a. Hein? Et déjà, même le christianisme en soi, tel qu'il est aujourd'hui, c'est une innovation, c'est une bid'a. Et donc, on voit comment la bid'a, hein, chez les chrétiens, comment elle a débuté, puis que c'est devenu une autre religion complètement différente de celle que Isa il a enseignée. Hein? Et la même chose chez les juifs. Ils ont tellement inventé des choses qu'ils ont complètement déformé le message de leur prophète. Et bien, parmi les musulmans, il y en a qui ont essayé de faire ça aussi. Comme les chiites. Historiquement, tout le monde sait d'où ça vient. On va en parler dans la prochaine conférence parce que c'est au sujet des sectes. Et on va savoir d'où viennent toutes ces sectes et qui les a fondées, qui les a créées et comment elles se sont développées. Donc ça, c'est des innovations. Hein? Le fait de, par exemple, durant le mois de Rajab, durant le mois de Rajab, il y a des gens qui font certaines innovations et qui font des jeûnes spéciaux ou des choses de ce genre pendant ce mois-là. Hein? Et donc, ça fait pas partie de la sunna, c'est pas basé sur des preuves. Il n'y a pas de jeûne spécifique dans le mois de Rajab, il n'y a pas de umrah spécial, il n'y a pas de prière spéciale, et il n'y a pas de sacrifice spécial non plus d'animaux dans le mois de Rajab. Hein? Les chants, les zikrs soufis, tout ça, on en a parlé. On a dit que ça fait pas partie de l'islam. Ça, c'est des innovations. Les gens qui célèbrent la moitié du mois de Sha'ban et qui font des prières la nuit et qui jeûnent le jour de la moitié du mois de Sha'ban, ça aussi c'est pas basé sur des preuves. La même chose que le fait de construire des dômes sur les tombes ou des mausolées ou des sanctuaires ou des oratoires sur les tombeaux des hommes pieux, hein, et de visiter ces endroits-là, ces tombes-là et ces tombeaux-là pour chercher la baraka et prendre la bénédiction des morts. Hein, et d'essayer d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala auprès de ces endroits-là, ou bien d'invoquer Allah par leur nom, ou en invoquant ces morts-là directement. Hein? On sait que ça, c'est des choses qui rentrent dans le shirk. Hein? Et beaucoup d'autres choses de ce genre. Tout ça, c'est des exemples de bid'ah qui sont pratiqués dans les pays musulmans. Et sans oublier également les bid'ahs des croyances et des sectes, hein, qui sont qui ont été inventées. Et parmi ces, juste pour les énumérer, par exemple, la bid'a des Khawarij, la bid'a des Shia, la bid'a des Qadariya, la bid'a des Murji'a, la bid'a des Soufiya, la bid'a des Jahmiya, des Mu'tazila, des Asha'ira, et de beaucoup d'autres également, comme les sectes et les groupes contemporains, comme la bid'a des Ikhwan al-Muslimin, la bid'a de Jama'at Tablir, et la bid'a de Hizb al-Tahrir, et la bid'a de Jama'at al-Takfir wal-Hijra, et la bid'a de beaucoup d'autres groupes qui ont dévié de la Sunna, hein, des Qutbiya, des Sururiya, hein, et ainsi de suite, des Maturidiya, et des Obandiya, des Breluya, et des Naqshbandiya, des Saharwardiya, et des Qadiriya, et des Tijaniya, et des Jistiya, hein, et des Darkawiya, et des Butchishiya, et ainsi de suite. Des sectes, des sectes, des sectes, des sectes, il y en a, il y en a, il y en a. Et pourtant, on a été ordonné que de suivre le Coran et la Sunna et de s'éloigner des innovations. Mais les gens, ils ont oublié ça. Ils ont laissé le Coran et la Sunna de côté et ils ont suivi les gens qui appellent à autre que le Coran et la Sunna. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Et on a juste à peine effleuré le sujet. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et ça, c'est un petit livre que j'ai traduit les paroles des savants sur des questions sur la bid'a. Et c'est un livre qui s'intitule « Toute bid'a est égarement ». Et il est disponible sur le site Salafi de Montréal. Si vous allez sur le site salafidemontréal.com, vous pouvez le télécharger, c'est gratuit. Et puis, il y a beaucoup de paroles des savants et d'explications au sujet des innovations. Et vous pouvez le lire et, Inch'Allah, profiter de... qu'est-ce qui est dedans. Donc, on va s'arrêter ici. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.